الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Donc on est entré dans le septième chapitre. الشمائل والدلائل والخصائص qui touche aux attraits physiques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que les certains miracles qu'il a accomplis et les choses qui lui sont propres, spécifiques, sallallahu alayhi wa sallam. Et dans les derniers durus qu'on a appris, on a évoqué des hadiths qui parlaient de son physique, sa taille, qu'il est de taille moyenne, ni trop grand au point de se faire remarquer au milieu des gens, ni trop petit au point de passer inaperçu dans le sens qu'il disparaît, mais il se confondait dans la masse. Également qu'il était blanc de peau, légèrement rougeâtre, et qu'il avait un fil de poils qui descendait de sa poitrine jusqu'à à son nombril, qu'il était large des épaules, qu'il avait des mains et des pieds imposants, des articulations bien définies. Il avait une tête aussi également imposante et différentes facettes. Aussi, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam avait une barbe très fournie au point que lorsqu'il récitait le Coran, les Sahaba voyaient sa barbe bouger de dos, de derrière. D'accord, ce qui confirme la dilla que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, conformément à son ordre, urfulloha de laisser pousser les barbes et de ne pas les toucher. Tayyib. Maintenant, on va rentrer dans Dala'il Nubuwa. Ce sont des preuves des miracles prophétiques. Des choses qu'il a, Allah Zawajal lui a permis d'accomplir pour pouvoir convaincre ou établir un argument sur les gens. Car bien des miracles, comme cela va venir, ont été exposés aux contradicteurs, ce qui ne les a pas pour autant emmené à accepter la vérité. Et à savoir que le plus grand miracle accordé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est le Coran. Pour ce qu'il comporte comme indication, comme guidée, aussi pour la perfection de son langage, de son éloquence. Bon, ça c'est une chose qui ne peut être vue que lorsque on parle l'arabe et qu'on a un certain niveau en arabe. Car souvent, par exemple, tu as des gens, ils vont lire le Coran, l'essence, traduction des sens, et ils vont dire « je vois rien ». Voilà. On dit oui parce que c'est en français. Mais quand c'est en arabe et que tu comprends l'arabe, tu comprends mieux. Il y a des choses, voilà. Bien que ce qu'on lit en français est suffisant pour indiquer la base de cette religion, c'est-à-dire pour que, on va dire, l'argument nous ait exposé, ou pas dire « je ne savais pas, je ne parle pas l'arabe, je ne veux pas savoir », non. Quelle que soit la langue que tu parles, le Coran, quand tu traduis ses sens, il y a ce qui suffit à te montrer que c'est la vérité. Après, il y a des choses plus profondes, plus nuancées, qui demandent, bien sûr, connaissance de la langue arabe. Mais la base qui suffit à ce que chaque personne sache que c'est un livre véridique et qu'il appelle à la guider, qui parle du tawhid, du droit d'Allah Azzawajal, qui a interdit le shirk et autres parmi les grands péchés, ce qu'on peut traduire, que ce soit en français, que ce soit en chinois, que ce soit en anglais, que ce soit en espagnol, que ce soit en allemand, toutes les langues que tu veux, cela peut être suffisant. Tayyib. Donc maintenant on va prendre le 126e hadith de ce fasl, ou plutôt de ce kitab, qui est le 6e de ce fasl. Yaqul an Jabir radiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul lamma kazzabatni Quraysh kumtu fil hijr فجل الله لي بيت المقدس فتوفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه متفق عليه. Donc selon Jabir, il a dit avoir entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, lorsque Quraysh, la tribu de Quraysh, c'était bien sûr avant qu'ils ne rentrent en islam par la suite, lorsqu'ils m'ont démenti à quel sujet? Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait ce qu'on appelle Al-Isra. Al-Isra, c'est le voyage nocturne. Lorsque il est parti sur de Mecca jusqu'à Jérusalem, d'accord, dans la même nuit, Et bien sûr, pour les gens, ça paraissait impossible. Donc ils n'ont pas cru. D'accord ? Donc lorsqu'il est informé de cela, Quraysh m'ont démenti. Ils ont dit, c'est pas possible que tu aies fait cela. Alors à ce moment-là, pour leur prouver que ce qu'ils disaient était vrai, Allah Azzawajal lui a mis devant lui le Bayt al-Maqdis afin qu'il la décrive minutieusement. Parce que parmi les Quraysh, il y en a plusieurs qui y allaient, qui étaient déjà allés là-bas, ils savaient de quoi, à quoi ça ressemblait. Et lui n'avait jamais été. Donc il a pu décrire de façon si précise que des gens qui étaient là-bas disent « oui, c'est ça, c'est qu'il a vu ». Et à l'époque, vous savez, il n'y avait pas de photos, il n'y avait pas ce genre de choses pour dire qu'il l'a vu en photo ou ainsi de suite. Soit tu as été, tu l'as vu, soit voilà. Et même si on te rapporte des faits, quelqu'un qui a été là-bas, il ne pourra pas te le rapporter comme quelqu'un qui l'a vu. Et là, il citait chaque point, chaque détail. Donc, et il a dit, je leur décrivais Jérusalem alors que je la voyais. C'est-à-dire, Allah Azzawajal l'a mis devant lui. Lui, il l'a vu. Mais forcément, peut-être qu'il ne se rappelait pas de tout. Donc, Allah Azzawajal lui a remis devant lui afin qu'il la voie telle qu'elle est pour leur dire, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là, il y a ça là. Taïb. Donc, ce hadith indique un miracle parmi les miracles accomplis par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, biiznillahi ta'ala. Car différents prophètes ont eu des miracles accomplis. On appelle ça karamat quand c'est pour les prophètes. On appelle ça j'ai oublié le terme pour les awliyas. Mu'jizat, voilà. C'est des mu'jizat pour les awliya et c'est karamat pour les prophètes. Il en a eu plusieurs, hein. Un autre va venir par la suite. D'accord ? Mais là, c'est l'un de ceux qui ont été cités, entre autres. Et comme on disait tout à l'heure par rapport au Qur'an, à la base, le Qur'an en lui-même, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le récitait au sein de Quraysh, c'était des Arabes purs. Donc eux, évidemment, ça apparaissait tout de suite. La grandeur de ce livre leur apparaissait tout de suite. Et justement, les ulama disent que plusieurs prophètes ont eu des signes qui leur étaient donnés en fonction du contexte dans lequel se trouvaient de leur époque. Mathalen, Moussa alayhi salam, la chose qui dominait en son époque avec Pharaon, c'était la sorcellerie. D'où le fait qu'il y ait le miracle de son bâton qui s'est mis à manger qui s'est transformé en serpent et qui a mangé, d'accord, les bâtons des autres sorciers qui, eux, c'était juste de la prestigitation. C'était de... voilà, quoi. Et c'est là, eux, ils ont vu que c'était pas de la magie, ça. Parce que Moussa et l'a fait, ils ont vu que c'était réel. Voilà pourquoi les sorciers se sont convertis. Et à l'époque de Issa, alayhi salam, c'était la médecine. D'où le fait que Issa, Allah Azzawajal, lui a accordé des miracles de donner la guérison à des gens touchés par des maux incurables, de redonner la vie à des morts, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, à cette époque-là, tous les gens qui voyaient ça disent ça, c'est pas de la magie, ça. C'est forcément... ou c'est pas du charlatanisme, je sais pas si on dit comme ça. Ce qu'il a fait, c'est... voilà, ça peut venir que d'Allah Azzawajal. Et le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, lui, c'était à l'époque de l'éloquence chez les Arabes. Car la force des Arabes, c'était l'éloquence. D'ailleurs, pour Faïda, on l'a déjà répété, à la base, ce qu'on appelait un arabe avant, c'est pas ce qu'on appelle un arabe aujourd'hui. D'accord ? Aujourd'hui, un arabe, c'est devenu une ethnie, entre autres une race, avec un certain profil, un certain type, qui vient d'une certaine localisation. À leur époque, c'était pas ça. Un arabe, c'est celui qui parlait l'arabe. Si tu parlais l'arabe, tu maîtrisais l'arabe, tu étais un arabe pour eux. Même si tu étais d'une apparence différente. Et quand tu parlais pas l'arabe ou mal, tu étais un arjami pour eux. Même si tu étais de leur ethnie, et tu ne maîtrisais pas l'arabe, ils ne te considéraient pas des leurs. Après, maintenant, ça c'est devenu autre chose, hein, d'accord. Mais sinon, à la base, à leur époque, un arabe, c'est quelqu'un qui parlait l'arabe. Purement. Si tu parles l'arabe, fassa, purement, et de façon éloquente, il ne regardait pas l'idée que tu es un arabe. Et pour preuve, ça c'était à... je pense que c'était peut-être avant la vue du Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Bon, preuve, Bilal parlait l'arabe parfaitement, et pourtant, il a été dénigré pour ses origines. Je pense que ça devait être avant. à l'époque justement où Ismaïl, alayhi salam, le fils d'Ibrahim, justement, a été marié à une tribu arabe du fait qu'ils maîtrisaient leur langue, parce qu'elle avait grandi en leur sein, il a pris leurs coutumes, donc ils l'ont pris des leurs. Et c'est de là que s'est arabisé, on va dire, la, on va aller concentrer, la généalogie qui mène jusqu'au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Car à la base, Ismaïl, c'est le fils d'Ibrahim. Ibrahim, c'était pas un arabe. D'accord ? Donc de là, il a informé les gens qui étaient présents de comment était Al-Bayt al-Maqdis. Dans le Coran, Allah dit « Subhanallazi asra bi 'abdihi laylan min al-Masjid al-Haram ila al-Masjid al-Aqsa allazi barakana hawlahu » Donc, gloire à celui qui a fait parcourir de nuit son serviteur du Masjid al-Haram jusqu'au Masjid al-Aqsa. Le Masjid al-Aqsa, c'est le Masjid qui est en Palestine. Celui autour duquel nous avons mis la bénédiction. Et également dans ce hadith, certains ils ont dit que ce voyage nocturne a été fait en rêve. On dit non, il n'a pas été fait en rêve. Car s'il avait été fait en rêve, pourquoi est-ce que Quraysh aurait démenti ? Dans un rêve, tu fais ce que tu veux, tu vois ce que tu veux. D'accord ? Donc le fait que Quraysh ait démenti, ça veut dire que c'était pas. Même eux, ils ont compris que c'était pas en rêve. Parce qu'il y a des gens, ils essaient de dire oui, il est parti en rêve. C'était pas un rêve, c'était une réalité. Et dans le Coran, là, il a dit dans le verset qu'on a dit que gloire à celui qui a fait déplacer de nuit son serviteur. Donc ça prouve que c'était de physique. Donc là, c'était l'un des miracles accordés au Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et il yaqul fawaid al-hadith ithbat al-isra وأنه كان يقظة لا مناما لأنه لو كان مناما لما تعجبت منه قريش ولا انكرته. Donc là ça prouve que ce voyage nocturne il a eu lieu. Il y a également ce qu'on appelle Al-Mi'raj. D'accord ? C'était la même nuit lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est monté aux cieux et qu'il a vu Al-Bayt al-Ma'mour et qu'il a vu les prophètes. Et c'est là d'ailleurs que les salawat, les saints qui lui ont été imposé. Et ça, c'est parmi les preuves que Allah Azzawajal, il est au-dessus. Également. Et c'est adib, car il y a des gens qui demandent cela, et pourtant, ils font ce qu'on appelle l'ascension. Tu vois, c'est-à-dire, ils croient en cette histoire-là, mais ils ne veulent pas admettre qu'Allah Azzawajal, on lui attribue Al-Fouqiyya, car Allah est au-dessus de sa création. Ils veulent pas la note, parce que pour eux, ça implique mettre un endroit, et un endroit, c'est forcément une création. Et on dit, ça, c'est comparable à tous les autres attributs, on ne connaît pas le comment. Mais on sait que Allah Zawajel, faut que Sama, faut que la arche, au-dessus des cieux, au-dessus de son trône. Et wa ma'ana bi'ilmihi fi kulli makan, et qu'il est avec nous par son savoir en tout lieu, en toute situation. ثانيا في هذا الحديث دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم حيث أظهر الله له بيت المقدس وتمكن من وصفه كأنه مماثل أو ماثل بين يديه. Et ça prouve, là c'est parmi les miracles accordés au Nabi صلى الله عليه وسلم, du fait que Allah Azzawajal lui a fait voir le Bayt al-Maqdis. Il y a été, hein, mais il l'a mis devant, parce qu'il était de nuit, donc il n'a pas forcément pu tout voir. D'accord ? Et là, Allah Azzawajal lui a mis devant lui, pour qu'il voit bien comment c'était pour décrire afin que les gens le croient. ثالثا شدة الابتلاء على الأنبياء ولكن تكون لها العاقبة. Et là, ça prouve comment les prophètes ont été éprouvés. Mais quoi qu'il en soit, la bonne fin elle est pour eux, car les prophètes sont venus, ont été démentis. D'accord ? Ont été démentis. D'ailleurs, c'est quoi Faïda ? On cite souvent dans les Dourous. Quelle est la différence qu'il y a entre un prophète et un messager? Les ulama disent qu'il n'y a pas de différence. Ou plutôt non. Ils mettent une différence, mais ce n'est pas celle que nous on veut citer. Mais est-ce que l'un d'entre vous sait la différence qu'il y a entre un prophète et un messager? Un messager, c'est celui qui vient avec une nouvelle révélation. Contrairement aux autres qui ont déjà la révélation de ce qu'ils ont précédé. Ouais. En fait, ouais, dans ce que tu dis, déjà à la base, tout messager est un prophète. Et ce n'est pas tout prophète qui est un messager. Et en effet, une nouvelle sharia sera révélée un messager, non un prophète. Le prophète vient pour renouveler le message donné au messager qu'il a devancé. Il rappelle aux gens. Il n'apporte rien de nouveau. Alors qu'un messager, lui, est souvent amené à venir avec un livre et une nouvelle législation. D'accord ? Mais il y a un point également que Cheikh Al-Islam a cité entre les deux, c'est que le prophète est envoyé à un peuple qui, de base, croit et à qui fait un rappel. Alors que le messager envoyé à un peuple qui dément et qui refuse. D'accord ? Donc, les messagers ont forcément été éprouvés du fait qu'ils ont été démentis. Et on parle de façon générale, c'est quand même des prophètes qui ont été démentis. Mais souvent, ils viennent à un peuple qui déjà a reçu quelque chose, alors que le messager peut venir à des gens qui n'ont rien eu. D'accord ? Ou si c'est des gens qui ont eu, c'est des gens qui ont voulu délaisser. Wa'akada. Rabi'an, an ahl al-batil yasuddun an al-haq bitashwih hamalati wa ramihim bima laysa fihim. Et que les gens du faux viennent à démentir la vérité en salissant l'image de ceux qui portent la vérité et en les accusant de ce qui n'est pas en eux. Tu ne verras pas une personne appelée à la vérité sans qu'il ne soit que son image soit entachée. Pourquoi ? Pour que les gens ne l'écoutent pas. Il sera diabolisé, il sera critiqué de ce qui n'est pas en lui. Les gens sont obligés de mentir. Ou si jamais c'est une personne, par exemple, qui a été amenée autre qu'un prophète, quelqu'un, par exemple, je ne sais pas moi, il n'était pas droit avant, après il s'est repenti, et après il appelle la vérité, les gens vont sortir son passé. Ouais, mais toi, avant, tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Ou c'est un converti, ouais, mais toi, tu étais comme ça, comme ça, comme ça. Ainsi de suite. Le but, c'est quoi ? En fait, c'est de discréditer. Faire en sorte qu'on ne t'écoute pas dans ce que tu as à dire. C'est pour cela que plus tu seras sur le haq et plus tu seras amené à appeler les gens, plus il faut que tu fasses attention. Parce que la moindre tâche, les gens ne vont pas te rater. Souvent, on le dit, hein, le croyant, il a l'image d'un vêtement blanc. Car le vêtement blanc, la moindre tâche sur lui, elle apparaît tout de suite. Et une fois qu'on voit une tâche, ils vont dire quoi, les gens, t'es sale. Tout de suite. Ce qui n'est pas forcément le cas. On peut se tâcher sans être sale. Hein. T'as fait un geste, t'as touché quelque chose, ou quelqu'un même a mal agi, il t'a sali, tu vois. Mais comme t'es habillé en blanc, ça se voit tout de suite. Donc tu verras que souvent les gens les plus critiqués en religion, ben, sont ceux qui portent la vérité. Par exemple, tu vois les gens de la sunna, tu vois tout le monde en islam tenter de les salir. C'est des sectaires, ils sont durs, ils sont extrémistes, ils sont ceci, ils sont cela. Pourquoi ? Parce qu'ils portent un message de vérité. D'accord ? Et c'est pour ça que nous, on doit faire très attention également lorsqu'on appelle à la au haq, d'accord, d'avoir le meilleur comportement possible, et que même si tu portes le haq, si tu n'as pas de réponse à une chose ou quoi, tu ne dis pas comme je porte le haq, je suis sur le haq, je vais forcément dire le haq. Tu peux être ignorant de pas mal de choses. Une fois, j'ai vu un débat, une rencontre entre une sœur en djilbab, niqab et tout, et une autre qui se dit muslima, mais bon voilà. Et cette sœur, malheureusement, marchait à un endroit. Elle n'aimait même pas qu'elle y soit. Tu vois, dans le cœur de Paris, là où il y a. Voilà, vous savez, c'est comment à Paris. Elle est habillée en niqab et tout. Et là, elle s'est fait interpeller par une femme. Tu vois, tu dis, ce que tu veux, c'est la provocation. Elle dit, moi, je serais habillé comme toi, ben, j'asse chez moi. Tu viens pas là, à cet endroit-là, habillé comme ça et tout et tout. Et l'autre, malheureusement, elle dit, oui, c'est vrai. C'est mieux que je sorte pas, ou que je sorte accompagné. Elle dit, non, je fais ce que je veux, je suis libre et tout. Tu vois, déjà, mauvaise parole. Et l'autre, elle dit, mais non, t'es pas libre. Normalement, si t'es marié, ton mari. T'es pas libre, tu sors pas comme ça sans que ton mari. Si mon mari, je fais ce que je veux, il peut pas m'interdire et tout. Je fais, ah, quand j'ai entendu ça, je fais, ah, Ourti, là, t'es en train de dire des bêtises, là. Tellement tu veux montrer que t'as raison, que t'en viens à dire des choses fausses, alors que l'autre, elle a raison. Elle dit, oui, à la base, ton mari, bah, il t'a sorti comme ça, ton mari. Il dit, oui, je fais ce que je veux, mon mari peut pas m'empêcher et tout. Après, l'autre, elle dit, bon, peut-être toi et ton mari. Peut-être ton mari, il est comme ça. Mais les autres soeurs, non, toutes mes soeurs, mais c'est quoi, elles sont pareilles. Les autres soeurs comme moi, elles sont pareilles, leur mari. Ah bon, mais c'est quoi ces maris alors ? Ou c'est quoi, vous, ces soeurs-là, vos maris, c'est, tu vois ? Et les frères entendent ça, ils disent « Ah non, non, non, non, c'est pas comme ça, nous. » Tu vois ? Donc, et voilà, comme elle s'est vue à la base sur la vérité, et qu'elle a vu une autre femme qui n'est pas sur le haq lui dire une vérité, elle a voulu démentir, quitte à dire des choses qui ne sont pas vraies. On dit « Si, elle a raison, cette dame-là, elle n'est pas moustakima, elle dit raison, normalement, ton mari, t'es pas venir à habiller comme ça ici. Au pire, il vient avec toi. » Parce que là où t'es, là, t'es au milieu des touristes, au milieu des purs parisiens et tout, et t'es là avec ton djilbab, c'est vraiment pas un lieu qui est approprié pour toi. T'as le droit de sortir, faire. Mais il y a des lieux. Même nous, en tant qu'hommes, il y a des lieux, voilà, on va pas. On a honte, on est gêné, tu vois. Ben là, elle était là, et elle s'affirmait. Tout ça pour dire j'ai raison, alors qu'elle avait tort, en réalité. Elle était bien habillée, mais pas au bon endroit, malheureusement. Ça, ça arrive souvent. Comme tu sais que là-bas, tu es sur une voie qui est réelle, et que tu as une personne en face de toi, tu sais qu'elle est dans l'erreur, mais elle va te dire une vérité. Accepte-la, dis c'est vrai. Tu vois ? Accepte-la, dis c'est vrai. C'est parce que l'autre, tu te prends d'orgueil et quitte à dire n'importe quoi. Ça, ça arrive souvent, malheureusement. Quoi qu'il en soit, les gens du faux vont toujours tenter d'incriminer les gens du vrai. Et le plus grand moyen qu'ils vont avoir, c'est de mentir sur lui, ou de déformer ses paroles, ou d'amplifier des choses qui n'ont pas lieu d'être, ou alors d'aller chercher des choses dans son passé, ou de chercher des erreurs, ainsi de suite. Car le but, c'est quoi ? C'est de te faire taire, en fait. خامساً أن الداعي إلى الله يتحلى بصدق ويبرأ صاحته مما ينسب إليه من الكذب والبهتان. Et justement, le prédicateur, celui qui appelle Allah Azzawajal, il doit se parer de la vérité, d'être véridique. Car le jour où il ment ou il se trompe, les gens ne vont pas le rater. Et il fait en sorte de s'innocenter de ce qui lui est imputé. D'accord ? Et faire en sorte d'éviter les choses qu'on pourrait t'imputer également. Bon, après, il y a des choses, les gens vont mentir, tu ne vas pas répondre à tout. Il y a des choses tellement c'est bas, tu dis, je ne vais même pas répondre à ça. Tu vois, tellement c'est ridicule. Mais il y a des choses, si tu vois que ça peut entacher ton message ou quoi, alors tu les réponds. Tu réponds du mieux possible. طيب. ثم يقول الحديث السابع والعشرون بعد المئة. 127e حديث. Qui est le 7e de ce فصل. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن أهل المكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما متفق عليه. Donc selon Anas, les gens de Mecca ont réclamé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il leur montre un signe pour prouver qu'il est un prophète, qu'il est un messager, que c'est Allah qui l'a envoyé. Donc qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Il leur a indiqué la lune, et vous connaissez ce miracle qui est très connu, qu'elle s'est fendue en deux. Mais pas seulement en deux, tellement elle s'est fendue qu'ils arrivaient à en voir entre les deux parties de la lune, Hira, la montagne, une montagne qui est à Mecca. Celle où il allait pour... on l'appelle Thor, je crois, maintenant. Celle où il allait pour, avant la révélation, pour adorer Allah Azzawajal. Là où Jibril est venu le voir. Ça veut dire qu'entre deux parties de la lune, tu vois une montagne au milieu. C'est-à-dire, vraiment, c'était flagrant, c'était immense. D'accord ? Et à ce qui paraît, je ne sais pas si c'est vrai, à ce qui paraît, c'est qu'aujourd'hui, des gens qui ont fait des photos de la lune, ils disent qu'il y a une fissure. Bon. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça n'est pas ce qu'on s'est dit? Comme vous êtes tout à l'heure, les gens ils sont en islam, ils veulent tellement convaincre les gens qu'ils disent n'importe quoi. Ils ne sont pas capables de faire un montage sur la lune pour dire regardez la lune et tout, il y a une fissure, ça prouve que le prophète il a dit ça. Tu vois? On n'a pas besoin de mentir. Nous on y croit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par le qu'Allah Azzawajal, lui a accordé de voir la lune fondue. Après, maintenant que tu as une photo, tu n'as pas une photo, ça ne va rien changer pour nous. Ça ne va rien changer pour nous. Et celui qui veut croire et qui a le bien dans son cœur, il n'a pas besoin de ça. Ça, généralement, ce genre de miracle comme ça, là, gros, c'est juste pour même iqamat al-hujja ala nas. Vous voulez demander, voilà, c'est devant vous. Pour dire vraiment, vous n'avez plus d'excuses. Tu vois. C'est par exemple, dernier signe de l'heure. Quel est-il? Le soleil à son couchant. Non, il va se passer quoi à ce moment-là? Ah là, pourquoi c'est tellement flagrant que maintenant, croire, il n'y a plus d'intérêt. En fait, ce signe est venu pourquoi me mettre l'argument sur vous? Dans le sens, maintenant, tout ce qui a été dit depuis tant d'années sur l'islam, vous avez refusé de regarder maintenant. Maintenant, les gens, ils vont croire, c'est trop tard. Tu vois. Ils vont le voir, mais il sera trop tard. Parce que là, ce ne sera pas pour vous convaincre et rentrer en islam. C'est pour vous demander, maintenant, vous savez ce qui va vous arriver. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a des miracles que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a montré à des gens, non pas pour qu'ils croient, parce qu'ils ne vont pas croire, malgré tout. Tu vois. Dans le Coran, là, il a dit... ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحين الموتى ورأيناهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا لن يشاء الله. Dans le verset, j'ai un doute, un peu oublié. Et dans le Coran, il dit que si même si on avait fait descendre les anges devant eux, qu'on avait fait parler les morts ou autres, ils n'auraient pas voulu croire. Donc quand les gens disent donne-moi une preuve, un miracle, pour que je te croie, il n'y a pas de croire. Il ne va pas te croire. C'est ce qui s'est passé avec la Comore, tu vois. Dans le Coran, Allah dit Iqtarabat as-sa'a wa inshaqqa al-qamar, que l'heure s'est approchée et que la lune s'est fondue. Tayeb, wa yaraw ayah yu'ridu wa yaqulu sihrun mustamir. Et lorsqu'ils l'ont vu, cette lune fondue, malgré tout, ils se sont détournés, ils ont dit que c'est ça, c'est de la sorcellerie. D'accord. Wa kadhabu wa ittaba'u ahwa'ahum wa kull amrin mustaqir. Et ils l'ont démenti, ils ont suivi leur passion. Mais chaque chose a un délai. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Et pourtant, ils ont vu des signes, des avertissements, d'accord, pour les faire réfléchir, pour les rappeler à l'ordre. حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ فَمَا تُغْنِي النُّذُرُ. Donc là, dans ces versets-là, Allah Azza wa Jalla nous prouve que le prophète leur a montré la lune fondue et que malgré cela, ils n'ont pas voulu croire. Donc ça a été comme un hujja sur pour dire vous avez voulu, vous l'avez vu. C'était comme le peuple de Salih qui avait dit à Salih de faire sortir un chameau du rocher. Il l'a fait. Et il leur a dit, cette chamelle, elle a un jour pour boire et vous un jour. Laissez-la boire, laissez-la boire, la touchez pas. Ils ont vu la chamelle sortir du rocher. Ils ont vu comment elle était immense. Il leur a dit juste laissez-la paître. Ils n'ont pas voulu, ils l'ont tuée. Il leur dit, vous avez 3 jours. Et après, le châtiment leur est venu. Ils ont vu devant leurs yeux. Et c'est eux qui ont demandé. Ils disent, ouais, vous voulez, vous allez la voir. Pour dire, les gens vont dire, on veut, Allah Azzawajal les éprouve. Tiens, c'est devant tes yeux, qu'est-ce que tu dis maintenant? Ils refusent quand même. C'est pour ça que celui qui a un khayr dans son cœur, Allah, il va le guider. Sans miracle. Pas besoin de miracle en réalité. D'accord? Pas besoin de miracles en réalité. Après, certaines personnes ont été guidées par des miracles. Mais la plupart du temps, ces miracles ont été venus pourquoi? Pour Bem et Qamat al-Hujja alayhim. D'accord? Pour mettre la Hujja sur eux. Et également pour peut-être amener à faire réfléchir des signes pour ceux qui vont venir après. Regarde Firaoun. C'est passé quoi avec Firaoun et Moussa alayhi salam? Firaoun, il a vu la mer s'ouvrir. Il a fait quoi? Il a vu tous les signes d'abord que Moussa lui a avertis. Lui et le peuple de Pharaon, ils ont tout vu. Ils ont vu les grenouilles, ils ont vu les sauterelles, ils ont vu l'eau devenir en sang, ils ont vu les poux. D'accord? À chaque fois, ils disaient, demande à Allah qu'il arrête, on va vous libérer. Allah, il arrêtait, il ne libérait pas. Ils ont vu le miracle de Moussa alayhi salam face aux sorciers. Eux, les sorciers, ils sont convertis. Malgré ça, Pharaon n'a pas lâché l'affaire. Ils sont partis, ils sont sauvés, jusqu'à arriver près de la mer. L'eau s'est ouverte en deux. Les flancs comme deux montagnes dominantes. Ils ont vu tout ça, qu'ils ont fait, ils ont pu s'arrêter, dire non, non. Et ils sont rentrés dans l'eau pour attraper Moussa et son peuple. Tout ce qu'ils ont vu. Et à quel moment il a dit qu'il a cru, Pharaon ? Et ouais, devant la mort, mais c'est trop tard. Toi, je te dis que tu vois des choses, à un moment, c'est juste pour dire c'est trop tard. Maintenant, t'as vu, c'est trop tard. C'est trop tard pour toi. Et bien après, cette histoire, elle est restée, elle est même citée dans la Bible. Bien que les Nasara, ils n'y croient pas. Dans la Bible, c'est resté, tu vois, pour que les gens sachent. Et à ce qui paraît pareil, des gens, ils ont fait des recherches, ils ont vu des traces qui prouvent qu'à cet endroit-là, il s'est passé quelque chose, tu vois. Après, bon, comme je vous dis, il y a beaucoup de spéculations, on rentre pas forcément dedans. Nous, à la base, ce qu'il y a dans le Coran, ça nous suffit. Tu peux amener tous les scientifiques qui ont prouvé, on dit oui, il s'est passé ça, oui, mais on savait déjà. Sans tes appareils, sans tes diplômes, sans tes études, nous, on y croyait déjà, parce que là, il nous l'a dit, tu vois. Et malgré tout, eh ben, les gens ne veulent pas croire. Tu vois, ils ne veulent pas croire. Donc là, il s'est passé ce miracle accordé au Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que la lune s'est fendue en deux avec un grand écart entre les deux parcelles, entre les deux morceaux. Grand écart. Par contre, quand on dit aux gens l'homme a marché sur la lune, tout le monde y croit. Étrangement. Alors, ils y croient. Ben nous, on remet ça en doute, on met ça en question. Car on sait que de base, l'homme ment. Et comme on dit, le plus grand argument qu'il y a, qui est logique, c'est que comment dans les années 60 vous avez pu le faire et que maintenant dans les années 2000, passé, vous n'arrivez plus à le faire. C'est quand même incroyable. Ils ont des réponses, hein, en disant, mais ils ne sont pas convaincants. Ils ne sont pas convaincants. De toute façon, qu'ils y soient allés ou pas, est-ce que ça leur en fait croire? Et s'ils ont été, ils auraient peut-être dû voir la fissure ou quoi. Est-ce qu'ils ont cru pour autant? On n'a pas de nouvelles que ces gens-là aient cru. Donc, vous y étiez, ça vous a apporté quoi en fait? Rien. Rien du tout. Il y a même des rumeurs que vous avez entendu, tellement il y en a, ils vont loin, qu'ils ont entendu la zen depuis la lune. On dit, on n'a pas besoin de ce genre de mythe, oh là, on n'a pas besoin de ça. Tu vois, qu'il aurait vu la mec ébloui, qu'il a entendu la veine sur la lune, je suis arrête. Déjà, pour qu'il entende la veine, ce qu'elle était sur la lune, déjà, d'une part. Et franchement, on n'a pas besoin de ça, Allah. On n'a pas besoin de ça. Tayyib, il dit, Fawaid al-Hadith, Isbat al-Isra. Non, attends. Je ne tenais pas, je suis en arrière. Isbat, enfin, Tayyib. Allah li nabiyhi bil ayat dalla ala sidq nubuwwatihi, ce qui montre que Allah Azawajal a soutenu son prophète en lui accordant des miracles pour prouver sa véracité. Thaniyan an inshiqaq al-qamar ayah 'azima la yakad ya'diluha shay'un min ayat al-anbiya comme qala al-Khattabi, et que la fissure, que la lune qui se sépare en deux est un miracle immense qui est peut-être sans équivalent parmi les autres miracles attribués au prophète. C'est peut-être le plus grand miracle visible, palpable, accordé au prophète. Et c'est normal, car le Nabi sallam était le plus grand des prophètes. Thalithan, an allazi laysa fi qalbi isti'dad lil hidayah la yahtadi wa law ja'at kull ayah. Et que celui qui n'est dans son cœur, qui n'est pas préposé, on dit comme ça, à accepter la vie, la guider, il ne sera pas guidé, même si tu lui mettais les plus grands signes devant les yeux. Vous savez, voilà, les frères, les gens qui sont dans le déni, c'est incroyable, de mauvaise foi. T'as des choses tellement simples, ils ne veulent pas admettre. T'as des choses évidentes, t'as des choses même qui rentrent dans la logique sur laquelle nous sommes tous unanimes. Tant que les musulmans, que les koufars. Il y a des choses, ils ont dit c'est logique, pour nous c'est pas logique. Il y a des choses sur lesquelles c'est logique. C'est un fait, c'est un constat devant tes yeux. Tellement ils sont dans le déni. Des choses évidentes sur l'homme, la nature de l'homme, sur la femme, la nature de la femme, plein de choses. Par exemple, tu as des gens, ils arrivent à te dire aujourd'hui, je suis pas une femme. Alors, c'est une femme. Non, je suis une femme physiquement, mais dans ma tête, je suis un homme. Non, tu es une femme. Elle ne veut pas accepter. Non, c'est ce qu'on veut me faire croire que je suis une femme. Ah bon? L'autre, il va dire, moi, je suis un homme. On va me faire croire que j'étais une femme alors que je suis un homme. Non, on n'a pas de le faire croire, tu es un homme. Non, non, je suis une femme. Tu vois? Tu veux faire quoi? T'en as venant, il va dire, ouais, moi, je suis un chien. Qu'est-ce que tu veux faire avec des gens comme ça? Non, t'es un homme, non, je suis un chien. Mais quand on va le traiter comme un chien, là, il va se plaindre. Tu vois? Il va pas assumer. Dis, si t'es un chien, bah, va dors dans la niche. Tu vois? Mets-toi tout nu et va faire tes besoins le matin. Trouve-toi un maître qui te nourrit, va te faire vacciner, donc t'as tout l'oreille. D'accord? Et si t'as un pavillon, tu dors dehors. Tu vois? Il va dire, non, c'est maltraitance. Ah non, un chien, c'est dehors. Bon, maintenant, les couffins, c'est le chien, est sur le lit, voilà, quoi. Mais tu contrôles comme un chien, on va traiter comme un chien. Déjà, enlève tous tes vêtements, là, tout de suite. En hiver, t'es là, tout nu. Non, il fait froid. Non, t'es un chien, le chien, il n'a pas de vêtements. Tu vois. Mais bon, on arrive à un stade de ridicule. Et ça, c'est quand les gens refusent la chose la plus évidente, qui est l'islam, et la fitra, qui est la nature saine, que tu tombes dans des choses incroyables. Une chose incroyable. Qu'est-ce que tu veux débattre de ça avec quelqu'un? Tu peux pas débattre. Tu dis, mais c'est un débat tellement vain que même en parler, c'est ridicule, tu vois. De te convaincre que tu es un homme. Si tu n'arrives pas à te convaincre toi-même que tu es un homme, je vais même pas parler avec toi. Tu vois ce que ça veut dire? Voilà, tu as déjà envie de débattre. On va débattre. Qu'est-ce que tu veux débattre avec ça? Alors, même le chien, je crois, s'il rigolerait. Non, t'es pas comme moi, toi. Moi, j'ai compris, toi, t'as pas compris, toi. Rabi'an, an al-aflaq tatagayyir bi amrillah dallat ala zalika al-adillah min al-kitab wa sunnah. Et que les astres, tout ce qui se passe dans les constellations, les astres, les étoiles, changent selon un décret d'Allah Azawajal. Et cela est affirmé par des preuves tirées du livre de la sunnah. Non. Donc on a pris deux hadiths et qui citent deux miracles. Le premier, que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a bien voyagé de nuit jusqu'à Al-Bayt al-Maqdis et que Allah lui a montré cela pour prouver à Quraysh qu'il était là-bas. Et le deuxième, c'est la lune qui s'est fendue. Non. Et les deux sont appuyés par les hadiths et par des versets. فنكتفي بهذا القدر فسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.